Allez, venez. Venez par ici. Vous verrez déjà la table. Hey, vous avez fait des embarras, hein. Ça, vous avez eu tort, vous savez. Avec nous, ça doit être à la bonne franquette. Bah, qu'est-ce qu'il y a, donc? Une propre nappe et des jambes bleues. Je n'ai pas encore vu Suzanne. Qui... Elle est probable en train de passer sa houppe sur son nez. Et Madame Bellemans? Ah, celle-là est sans doute allée chercher son face à main. Ah, oui, oui. C'est un très bon genre quand on reçoit du monde. Hein. Mais mettez-vous, mon cher. Oui, oui, oui. Nous devons s'encorpeler un œuf ensemble pour les jeunes fiancés. Hein. Oui. C'est alors le mariage pour dans 4 mois. Nous serons au commencement du printemps. C'est mieux pour le voyage de noces. Oui, oui, oui. Oui, en été, il fait trop chaud, vous savez. Je me rappelle encore quand j'ai marié ma regrettée Stéphanie, nous avons été en Italie. Il faisait tellement chaud et on était si fatigués que quand on était de retour, on a tout dû recommencer. Moi, j'ai fait mon voyage de noces à Bruxelles, à l'hôtel de l'Espérance. Ah oui, vous avez été dans la direction de la gare du Midi. Vous savez où vous irez? Séraphin veut absolument aller à Londres. Suzanne, que tient beaucoup à aller en Suisse? Ah, ben ça commence déjà bien. Oui, ça commence bien. Oui, mais ils n'auront qu'à s'arranger. Bon, nous n'avons pas d'affaires avec ça. Hein. Quand ils seront mariés, ils n'ont qu'à tirer leur plan. Tiens, qui tire seulement. Alors, c'est entendu. Oui, vous donnez 50 000 francs à votre fille, hein? Oui. Et vous? Moi? Moi, je lui donne Séraphin. Oui, mais qu'est-ce que lui donne? Ben, il donne son métier, sa situation. Il est employé chez moi avec 225 francs par mois. Et plus tard, il aura des affaires. Plus tard, oui, mais maintenant, ça n'est pas beaucoup. Comment ça n'est pas beaucoup? Mais ça sont déjà les appointements d'un lieutenant. Mais ma fille a 50 000 francs. Oui, mais la jeune fille doit toujours avoir un peu plus que le garçon, hein, sinon... Ça n'est pas juste. Ah, ça, c'est le temps qui court. Oui, il n'y a qu'à le laisser courir. Enfin, s'ils ne vont pas, on sera toujours là pour les aider, hein. Ta nature, hein. Et où c'est qu'on fera le dîner? Ah, ici, n'est-ce pas? Le dîner, c'est toujours chez les parents de la jeune fille. Est-ce qu'on fera beaucoup d'invitations? Oui, oui, oui, oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça doit être très chic. Je vous donnerai ma liste, vous savez. Ah, dites balance. Alors, il faudra aussi leur installer un beau mobilier. Le Séraphin a beaucoup de goût, il fera ça très bien. Non, non, non, non, non, non, non, c'est pour vous. Le mobilier, c'est toujours les parents de la jeune fille qui doivent le fournir. C'est l'habitude. Ah. Ça, les convenances. Et les parents du jeune homme, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils doivent fournir les lettres de faire-part avec les timbres. Vous êtes sûr? Demandez à qui vous voulez. Ah, enfin. Ah, alors, tout est arrangé? Oui, on peut se donner la main. Mais espérons que les enfants seront heureux. Ah oui, tout pour le bonheur de ma fille. Tout pour le bonheur de mon fils. Mais maintenant, mon cher Meulemeester, je dois vous dire que je voudrais bien que... Quoi de... Que votre fils s'occupe de ma présidence d'honneur. Oui. Il a dit que ça allait bien. Oui, oui, je sais. La dernière fois, vous avez été busé. Hein. Mais Séraphin s'en occupe, n'est-ce pas? Rien que pour l'honneur de la famille. Oui, mais je voudrais qu'il s'en occupe autrement que l'autre fois. Bonjour. Bonjour, Séraphin. Comment ça va, fiston? Très bien, très bien. Et ma belle-mère, madame Bellemans? Très bien. Et Suzanneke? Très bien. Ah. Bonjour, monsieur Bellemans. Ah, bonjour, Suzanneke. Bonjour, madame. Je suis un peu en retard car j'ai travaillé au bureau jusqu'au dernier moment. Il y a eu beaucoup de rentrées aujourd'hui. Et nous avons reçu la nouvelle machine à coller les étiquettes sur les bouteilles. Ah, oui. Et ça va bien, cette nouvelle machine? Très bien. Il y a une chose comme ça qui prend le machin, hein, comme ça. Et puis un bazar qui descend et c'est collé. Vous irez voir ça tout à l'heure, c'est très intéressant. Il est au magasin, vous n'avez qu'à demander M. Albert, le Parisien. Oui. Hortense, le maître. Quoi? Quoi de... Si on laissait les jeunes gens ensemble un moment. Oui, ils doivent avoir des choses à se dire. Pour préparer leur vie. Est-ce que vous avez déjà vu mes caveaux? Non. Eh bien, venez voir ça. Séraphin le connaît, il n'a pas besoin de venir avec. Oui. Et moi, je veux aller m'occuper du café. Oui, allez, c'est ça. À tout à l'heure. Dites, Bellemans, hein? En quoi est-ce que c'est fait, ces caveaux? Mais c'est en béton armé. Béton armé? Oui. Et c'est solide? C'est solide, mais ce sont des caveaux à perpétuité. Ils sont partis pour nous laisser seuls à deux. Oui, je crois aussi. Pour nous laisser le temps de dire ce qu'on doit se dire. Oui. Oui. Eh bien, puisque nous sommes ici pour causer, causons. Causons? De quoi? Ah ben, du mariage. Eh bien, c'est dans 4 mois que nous irons à l'hôtel de ville. Et à l'église aussi, hein, ça vaut mieux pour les enfants. Mettez-vous. Quand nous serons mariés, qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, mais le matin, je me lèverai, je déjeunerai, j'irai au bureau, et à midi et quart, je rentrerai à la maison pour le dîner. Après, je retournerai sur le bureau. À 7 heures, je rentre pour souper. Et puis le soir, je sors pour aller trouver mes camarades au café. Oui, oui, oui, ça tombe bien. Quand vous partez le matin, je vais faire mon marché. Je reviens, je surveille le dîner. L'après-midi, j'arrange un peu le ménage. Je fais préparer le souper. Et comme ça, je suis libre le soir quand vous allez au café pour aller avec. Le soir? Ah, oui, n'est-ce pas? Au café? Vous venez avec? Ben oui, n'est-ce pas? Oui, mais ça n'est pas l'habitude. Pourquoi? La femme reste généralement à la maison. Pourquoi? Mes amis diraient que j'ai tout le temps ma femme à mes trousses. Mais c'est la loi. La femme doit suivre son mari. Écoutez, Suzanne, ça vaut mieux de le dire tout de suite. Ce que vous voulez là, ça ne sera pas possible. Je ne sortirai pas tous les soirs. Mais quand je sors pour aller trouver mes camarades au café, j'aime mieux que vous iriez pas avec. Est-ce que ça est bien pour aller trouver vos camarades? C'est sûr. Ça n'est pas pour aller chez Mademoiselle Anna? Anna? Chez Anna? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas d'Anna. Séraphin, il ne faut pas mentir. Mais je ne mens pas. Mademoiselle Anna, rue du Boulet. Qui vous a dit ça? Peu importe, je le sais d'une façon certaine. C'est Albert qui vous l'a dit. Il n'y avait que lui qui le savait. Ah, il le savait. C'est donc vrai? Non. Alors, qu'est-ce qu'il savait? Rien. Vous voyez que c'est vrai? Ah, vous reconnaissez? Oui, oui. Mais je ne la vois plus. Vous ne la revoyez plus? Ben, pourquoi? Parce que ce n'est pas une fille de mon rang. C'est une simple lingère. Elle travaille à la pièce pour les grandes semaines à 95 centimes. Ça peut tout de même pas continuer jusqu'à la mort. Et puis, elle se consolera avec un nouveau, n'est-ce pas? Comme vous, vous l'avez consolée de celui qu'elle avait eu avant vous. Ah non, pas ça. Elle n'en avait pas eu avant moi. Vous êtes sûr? Ah oui. Et vous allez la quitter, comme ça? Oh, c'est facile, hein? Je ne veille plus, voilà tout. Ah. Alors, vous n'irez plus chez elle? Ça, je le jure. Vous comprenez, ça doit finir. Je n'aurais tout de même pas pu la marier. Pourquoi? Ah, parce que ce n'est qu'une ouvrière. Est-ce que votre mère n'était pas une passementière et la mienne une modiste? Oui, nous ne sommes plus du rang de nos parents. Mon père a de l'argent et je ne peux pas marier une ouvrière. Qu'est-ce que vous allez faire du petit? Quel petit? Votre petit. Vous avez eu un enfant avec elle. On vous a dit ça aussi? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec le petit? Je le lui laisserai. Et vous soignerez pour lui? Oui, non. Qu'est-ce que vous allez faire pour Anna? Je la laisserai tranquille, elle ne m'a rien fait. Vous lui donnerez de l'argent? Oui, non, enfin... Mais vous ne pouvez pas laisser cette pauvre fille comme ça avec le petit? Il est joli, le petit. Très joli. Quel âge a-t-il? Il a plus de 2 ans et demi passé depuis l'ouverture du pôle Nord. Il est brun ou blond? Blond, avec des cheveux crôlés. Est-ce qu'il parle déjà? Oui, ça est malin, vous. À 2 ans et demi passés depuis l'ouverture du pôle Nord, c'est sûr, hein, qu'il parle. L'autre jour, encore, tenez, on était allés tous les trois à la petite Espinette et on avait pris une tartine avec du fromage blanc et des radis. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a dit? Moi, il a dit un pas des radis, un mieux des ramonas. C'est amusant. Oui. Et vous allez à la petite Espinette comme ça le dimanche? Ça a été un bon ménage. Oui, j'étais allé à la petite Espinette et juste aux choses, aux verts chasseurs, je les ai rencontrés tous les deux dans le tram. Oui, oui, oui. Écoutez, Suzanne, je vous en prie, ne parlons plus de ça. Ça est assez gênant et je sens que je dis des choses contraires. Vous me parlez de ce petit, n'est-ce pas? Alors moi, je... Alors vous pensez qu'il est gentil? Et vous avez là quelque chose? Ben oui, justement. C'est ce que je disais. Oui, oui, j'ai quelque chose. Mais il ne faut pas vous défendre de ça. Cette émotion, est-ce que vous avez eu de meilleur? Alors, vous n'êtes pas fâchée? Non, au contraire. Oh, Suzanne, vous êtes tout de même une bonne fille. Alors, il est blond avec des crolles, comme le petit Saint Jean-Baptiste. Oui, et le dimanche, on a lui-même un petit nœud bleu dans ses cheveux. Comment est-ce qu'il vous appelle donc, le petit? Parrain. Parrain? Oui. C'est gentil, parrain. Et il vous aime, ce petit? Oui. Et lui, comment est-ce qu'il se nomme? Séraphin. Séraphin? Ah oui, n'est-ce pas? Le nom de son parrain. Oui, c'est Anna qui a voulu ça. Sans doute pour qu'il ait un souvenir de son père. Mais qu'est-ce que vous avez, Suzanne? Vous êtes si drôle maintenant, tout d'un coup. Je n'ai rien, Séraphin. Et plus tard, quand nous serons mariés, et que je vous appellerai par votre petit nom, je pourrai penser à lui. Et alors, quand je vous verrai arriver, je vous verrai avec une jolie petite tête blonde crôlée et un petit ruban bleu. Je crois que ça vous ira très bien, Séraphin. Suzanne, vous êtes en train de vous moquer de moi. Mais pas du tout. Je trouve ça comique. Vous ne trouvez pas ça comique, vous? Vous n'y penserez pas, vous, plus tard, quand nous serons mariés? Et quand on aura aussi un petit garçon qui vous ressemblera, comme il vous ressemble probablement, quand vous le verrez gentiment habillé, revenir le jour de la Saint-Nicolas de chez sa bonne maman, avec des jouets pleins ses bras et des pains d'épices plus grands que lui, car il sera gâté par son bon papa et sa bonne maman. Mais j'y pense, Séraphin. Votre petit garçon n'aura pas de papa. Mais est-ce qu'il aura un bon papa et une bonne maman? Est-ce qu'il aura des joujoux et des grands pains d'épices? Est-ce que sa mère saura lui donner sa Saint-Nicolas avec des chemises pour les grandes semaines à 95 centimes? Vous pleurez? Mais vous pleurez, Séraphin. Mais alors, vous n'êtes pas un méchant homme? Vous n'êtes pas le vilain que je croyais? Mais non, je ne suis pas un vilain. Alors écoutez-moi, Séraphin. Retournez auprès de la maman de votre petit garçon. Je suis sûre qu'elle a déjà mis une propre nappe à carreaux sur sa petite table et deux jattes de porcelaine ou votre café de 4 heures refroidi. Allez le boire. Car si même il n'y a que de la chicorée dedans, il ne sera pas aussi amer que celui que vous deviez boire à l'occasion de nos fiançailles. Mais, Suzanne? Quoi, Séraphin? Qu'est-ce que père va dire, non? Rien, car on lui dira la vérité. Ça jamais, ça jamais. Il est capable de tout. Je n'oserais pas lui avouer que j'ai un enfant. Eh ben, on dira n'importe quoi. Il sera peut-être fâché. Mais plus tard, quand il saura tout, il sera très content. Et si même il doit rester fâché pendant toute sa vie, il vaut mieux pour vous la colère de votre père que celle que vous auriez contre vous-même. Allons, Séraphin. Décidez-vous. Nous ferions un mauvais ménage. Là-bas, il y a un ménage tout fait. Et un bon. Il y a votre femme et votre enfant. Allez auprès d'eux. Séraphin! Suzanne! Vous êtes un brave garçon. Venez me donner une baise. Eh bien, il ne faut plus vous gêner. Mais ça a du beau, hein, maintenant. Comment? On a l'imprudence de laisser ces jeunes gens tous seuls? Eh bien, mes enfants, on a fait des projets d'avenir. Oui, madame. Appelez-moi seulement maman. Je n'ai pas l'habitude, n'est-ce pas, madame? Allez. N'est-ce pas, maman? Voilà. Alors, vous avez tout réglé à vous deux? Oui, père. Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, ce que vous avez décidé? Oui, père. On a décidé qu'on ne se marie pas. C'est une blague, n'est-ce pas? Non. On ne se marie pas. Et vous, Séraphin? On ne se marie pas. Bah, vous aviez pourtant l'air si d'accord tout à l'heure. Mais oui, on est d'accord. Pour ne pas se marier. Oui. Je parie que vous avez voulu aller en Italie et elle en Suisse. Oui, c'est ça. Non, c'est comme ça. Oui. Alors, il y a quelque chose que je ne sais pas, mais que je sens. Votre fille aurait fait quelque chose de contraire. Oui. Oui. Elle a trop bon cœur pour le dire, mais je sais ce que je dis. Mais elle fait signe que c'est pas vrai. Moi, je crois plutôt que c'est mon fils qui aura trouvé quelque chose sur votre fille. Qu'est-ce que vous dites? Mais non, père. Taisez-vous. Il faut riposter par du mépris. Allez, Séraphin, couvrez-vous et venez. Hein. Vous faites bien de sortir. La porte est là. Oui, je sors. Mais je ne salue personne. Oh, allez, c'est fort, hein. Ça, alors. Et vous, monsieur Albert, vous êtes là et vous ne dites rien. Moi, monsieur Belmans, je ne sais rien là contre. Oh, comme il commence à bien parler, hein.